Bonjour mes amis, et aujourd'hui on va continuer notre chapitre 3 de l'épître aux Thessaloniciens, la première épître, et nous allons continuer le même sujet que les trois derniers, la parole de Dieu. Ok, on va continuer ce sujet, c'est tellement important dans la vie des croyants. Dans la vie des croyants pour qu'ils puissent être affermis, qu'ils puissent grandir dans la compréhension de l'œuvre de Dieu en eux, qu'ils puissent être encouragés à persévérer dans la foi, qu'ils puissent être accepter les afflictions avec la joie de l'Esprit. Ça prend les Écritures, la connaissance de la parole de Dieu. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, encore une fois, depuis 4 jours qu'on te dit merci pour ta parole, cette lumière qui nous éclaire. Merci pour cette parole qui nous encourage, qui nous instruit, qui nous exhorte, qui nous reprend. Merci pour cette parole qui nous conduit de plus en plus à te voir, à contempler ta force, ta puissance, ta grâce, ton amour, à contempler notre bien-aimé Sauveur. C'est dans ce livre que nous te voyons. Par l'action de l'Esprit en nous. Continue ce matin à nous motiver, à investir temps, prière, argent pour étudier ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Donc, on a vu hier que l'apôtre Paul, à cause de certaines nouvelles qu'il a entendues, il est inquiet. Il a peur. Il a peur que Satan ait tenté à un point tel l'Église des Thessaloniciens qu'ils ont abandonné. Il est dans la crainte. Il veut aller les voir. Mais il dit au chapitre 2, « Par deux fois, Satan m'en a empêché. » On a vu ce que ça voulait dire. Et donc, qu'est-ce qu'il décide de faire dans son impatience, comme on a vu hier? Il décide d'envoyer quelqu'un qui va pouvoir se rendre là. C'est Satan s'attaque à Paul pour l'empêcher d'aller, mais Paul va aller. Il va sortir par la porte d'en arrière dans la personne de Timothée, puis il va aller. Parce que Timothée va être accepté. Lui, on ne va pas l'attaquer et vouloir le faire mourir comme on voulait faire mourir Paul. Donc, Timothée va aller avec un rôle, d'abord, de s'informer de la foi des Thessaloniciens, et deuxièmement, de les affermir avec les Écritures, avec la parole de Dieu, en leur rappelant ce que Paul leur avait dit, en leur expliquant plus profondément ce que Paul leur avait enseigné, en faisant des liens avec l'Ancien Testament, pour qu'ils comprennent bien que souffrir au nom de Jésus, c'est à cela que nous avons été destinés. Il faut l'accepter avec la joie de l'Esprit Saint. Donc, on sait que Timothée est allé et a accompli la mission que Paul voulait qu'il accomplisse. Et ce matin, dans notre texte, il revient auprès de Paul avec de bonnes nouvelles. C'est ce que nous allons lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi, car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez ferme dans le Seigneur. Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Donc Timothée revient. Et si je peux employer le terme, il fait un rapport à Paul, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, de ce qui s'est passé à Thessalonique. Et si je résume, Paul est dans la joie de ce qu'il entend. Paul est dans la joie de ce qu'il entend, de ce que Timothée lui dit comme bonne nouvelle. Il dit que Timothée m'a donné la bonne nouvelle au sujet de votre foi et de votre amour. Donc il dit, il me rapporte des bonnes nouvelles à votre sujet, premièrement de leur foi et de leur amour. Je vous ai parlé dans le premier chapitre. Foi, amour, espérance, ça va ensemble, il ne faut pas les séparer. Il y a une influence les uns sur les autres. Mais si ma foi grandit, mon amour grandit, mon espérance grandit. Si mon espérance grandit, mon amour grandit, ma foi grandit. Il y a une interrelation entre les trois qui est indissociable. Je ne peux pas grandir dans la foi sans grandir dans l'amour, sans grandir dans l'espérance. Je ne peux pas. Les trois vont ensemble, il ne faut jamais les dissocier. Ça n'existe pas, quelqu'un qui aime Dieu, mais qui n'a plus d'espérance. Ça ne peut pas dire, j'ai une grande foi, mais je n'aime pas Dieu, puis je n'aime pas les frères. C'est impossible. Donc, il dit, il m'amène des nouvelles de deux choses, de votre foi et de votre amour, parce que ça va ensemble. De bonnes nouvelles. Et c'est quoi la bonne nouvelle? Oh, il dit, il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir. C'est pas ce qui... ils se souviennent de Paul. Ah, quel point il était gentil. Et comment il était aimable. C'est un vrai bon papa pour nous. Ah, il nous a toujours aidés financièrement. Mais non, c'est pas ça qu'il parle. Ils se souviennent de Paul en tant que missionnaire, en tant qu'apôtre de Christ. Ils se souviennent de Paul dans le sens qu'ils acceptent encore Paul. Ils reçoivent encore Paul. Ils acceptent l'enseignement que Paul a donné. C'est ça que ça veut dire. Quand il dit qu'ils ont gardé la foi et l'amour, c'est qu'ils ont gardé la foi de l'Évangile. Ils ont encore l'amour pour Dieu et l'amour pour Christ et l'amour pour Paul. Ils ont gardé la foi, ils ont gardé l'amour en Dieu. Et il dit, à la fin du verset 6, « Vous désirez aussi nous voir, comme nous désirons vous voir. » Il ne parle pas ici d'aller jouer aux quilles. Il ne parle pas d'aller voir un match de tennis ensemble. C'est correct de faire ça. Mais ce n'est pas ça dont il parle ici. Il y a plus que ça entre les frères et les sœurs. Il dit, j'ai un désir d'aller vous voir pour vous emmener la parole de Dieu. Et vous autres, vous avez un désir profond aussi de me voir pour que je vous parle de la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, ça c'est quelque chose qui démontre que je suis un croyant. J'ai une soif de connaître les Écritures. J'ai une soif d'entendre la parole de Dieu. J'ai faim de me nourrir des Écritures. Et l'enseignant, lui, eh bien, il a un désir profond de t'affermir, de t'enseigner, de t'expliquer, de t'annoncer des choses que tu ne sais pas encore par rapport à Dieu, par rapport à Christ, par rapport à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une complicité mutuelle entre l'enseigné et l'enseignant. Frères et sœurs, si ce n'est pas là dans votre vie, en tant qu'enseignant ou en tant qu'enseigné, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Je vois tellement de gens qui se disent croyants, mais ils n'ont aucune faim, ils n'ont aucun désir de connaître Dieu. Ouais, ils vont à l'église le dimanche. Ouais, ils entendent la parole de Dieu, mais ça fait partie du rituel, ça fait partie d'un chrétien, ça fait ça. Il n'y a pas ce désir. Okay? Un désir, vous savez, c'est quoi un désir? Je désire quelque chose. Je désire un homme, je désire une femme, je désire un job, je désire... Un désir, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose qui pousse à l'action. Ce n'est pas juste quelque chose un peu d'indifférence. Ouais, je vais voir ma blonde, Mais tu sais, il faut bien que j'y aille. Si je vois pas, ben, je suis allé. Ah ben là, il n'y a pas de désir. Il faut que tu regardes, il faut que je regarde dans ma vie. Est-ce que j'ai un désir, un vif désir d'instruire et d'être instruit dans la parole de Dieu, bien entendu, dans la foi, bien entendu. Si ce n'est pas là, frère et sœur, assis-toi. Mais je prends pour acquis que si tu écoutes mes vidéos, c'est parce que tu as un désir de connaître, comme j'ai un désir de t'enseigner. Mais si tu connais un frère, une sœur, va les aider. Va les aider à désirer cette parole de Dieu. Va les instruire. S'ils désirent, va t'asseoir avec eux autres et partage-leur tout ce que tu sais des Écritures. Maintenant, on a tellement de privilèges, tellement de facilités d'entendre, de voir des enseignants de partout à travers la planète. Je peux m'asseoir à peu près n'importe où avec un téléphone, avec une tablette, avec un ordinateur, avec des livres et me faire instruire parce que j'ai un vif désir de connaître Dieu. De connaître, dans notre sujet plus précis ici, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, il dit ensuite au verset 7, « Donc, je suis calmé, je ne suis plus impatient, je ne suis plus dans la crainte. » Je suis dans la joie. Parce que je sais que Satan ne vous a pas ébranlé au point que vous avez abandonné. Je suis content de voir que votre foi est stable. Je suis content de voir que vous avez reçu Timothée comme si c'était moi-même. Que vous avez reçu la parole de Dieu que Timothée vous a emmené. Je suis heureux, je suis content, je suis consolé. Mais il dit au verset 8, « Nous vivons !» Puisque vous demeurez ferme dans le Seigneur. Vous savez, il avait envoyé Timothée pour les affermir. Et je suis content de voir que vous êtes ferme. Timothée a réussi sa mission. Vous êtes ferme dans la foi. Et vous persévérez maintenant encore. Vous restez affermis et vous attendez encore le retour du Seigneur Jésus-Christ. Vous restez ferme dans votre espérance de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Oh, que ça me rend heureux. Oh, que ça me rend heureux. C'est pour ça qu'il dit au verset 9, « Quelle action de grâce nous rendons à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous. » Voyez-vous? J'aime ça dans ce temps-là. Il ne rend pas grâce à Timothée, il ne rend pas grâce aux Thessaloniciens, il ne rend pas grâce à ses motifs à lui qui a envoyé Timothée, il rend grâce à Dieu parce qu'il sait que c'est l'Esprit de Dieu qui a fermé. C'est Dieu qui a fermé. Il va en parler à la fin. Dieu va vous rendre inébranlable jusqu'à la fin. C'est Dieu qui fait l'œuvre. Ça n'enlève pas ma responsabilité de m'exposer aux Écritures, de lire les Écritures, d'écouter les Écritures, d'enseigner les Écritures. Mais nous savons que l'affermissement, d'être inébranlable, c'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Esprit dans chaque croyant. C'est pour ça qu'on rend grâce à Dieu pour le fait que nous sommes là. Je suis là dans la foi depuis 38 ans et je peux rendre grâce à Dieu de m'avoir affermi pendant toutes ces années-là. Je rends grâce à Dieu qui a affermi les croyants autour de moi qui sont là depuis 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans. Il faut rendre grâce à Dieu. Si tu ne rends pas grâce à Dieu de la persévérance que tu as, de la fermeté que tu as, tu es aux côtés de la coche. Il ne faut pas que tu rendes grâce à des hommes, à une église, à une association quelconque. On rend grâce à Dieu qu'il nous a affermis jusqu'à ce jour. Et là, il continue au verset 10. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. C'est intéressant, hein? Il ne dit pas, Bon, mais là, je peux relaxer, je peux partir en vacances. Timothée a fait la job, c'est fini, c'est terminé. Non. Timothée revient, Timothée les a affermis, et Paul dit, je prie jour et nuit. Fais attention là, fais attention. Hein? Paul dort, puis Paul mange, hein? Puis Paul travaille. Donc, ça veut dire qu'il exprime ainsi, c'est un désir continuel en lui et continuellement devant la personne de Dieu dans ses temps de méditation, de prière, en travaillant, en marchant, il y a des pensées. Et quand il dit qu'il prie avec une extrême ardeur, je crois pas que Paul croit que plus son ardeur va être extrême, plus sa dévotion va être grande dans la prière, plus il va le faire souvent, finalement Dieu va répondre. Non, je pense pas que c'est ça qu'il est en train de dire. Il est juste en train de dire qu'il, parce que c'est les Thessaloniciens qui reçoivent cette lettre, qui vont comprendre à quel point Paul a un désir profond d'aller les voir. Qu'il prie pour cela. Il ne faut pas croire que plus j'ai d'ardeur dans la prière, puis plus je le fais longtemps, puis plus je le fais souvent, ça va influencer Dieu, ça va le faire plier. Là, finalement, il va dire, bon, OK, je suis tanné que Paul me prie, là, je vais l'envoyer. Ouais, non, c'est pas ça. C'est juste une façon d'exprimer à quel point son désir est grand. Il l'exprime devant Dieu et il l'exprime aussi devant les hommes. Et qu'est-ce qu'il demande? J'aimerais aller vous voir pour compléter ce qui manque à votre foi. C'est jamais complet. Peu importe où ce que tu es rendu, il t'en manque encore. Tu n'arriveras jamais à la fin. Tu peux lire toute la Bible et tu vas recommencer. Tu vas la lire 2 fois, 3 fois, 100 fois et tu vas recommencer. Tu vas étudier, tu vas t'exposer parce qu'il t'en manque toujours. Et dans notre contexte, c'est quelque chose qui leur manque, surtout en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. On va le voir s'en aller, on va le voir dans la deuxième épître. Il veut les compléter, ce qui manque à leur foi. Surtout en ce qui concerne, dans notre contexte, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle je fais un 2 Thessaloniciens. Pour qu'ensemble, on complète ce qui manque à notre foi en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. D'abord, il faut qu'elle soit là, cette espérance. Hein? Il faut qu'elle soit là. Et deuxièmement, il faut la garder, cette espérance-là. Mais ce qui va nous aider à la garder, c'est une meilleure compréhension de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il faut faire. Donc, il dit, je prie continuellement parce que la parole de Dieu, on a vu qu'elle agit dans le croyant, on a vu qu'elle affermit le croyant et la parole de Dieu aide le croyant à persévérer. La parole de Dieu pousse à persévérer. Paul sait que les Thessaloniciens ont besoin de grandir dans leur foi. Donc, il veut aller les voir pour leur dire ce qui manque à leur foi. Notre bon Père du ciel, merci. Merci que ta parole de Dieu, elle est complète. Nous avons dans la parole tout ce que nous avons besoin. Maintenant, il faut qu'elle fasse le sujet de nos méditations, le sujet de nos études, le sujet de nos prières, afin de compléter ce qui manque à notre compréhension de notre foi. Conduis-nous toujours par ton esprit et nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais dans la vie de tes enfants. Amen.